Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par Devenir Entrepreneur, une plateforme web qui vous présente les défis et bonheurs du métier d'entrepreneur. Découvrez des entrepreneurs ambitieux et leurs stratégies de croissance à l'échelle locale et internationale en visitant devenirentrepreneur.com. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Montcalm et la défaite française en Amérique. Imputer la défaite à des erreurs du marquis de Montcalm, ça serait quand même très injuste avec lui, parce que jusqu'à présent, il avait remporté de grands succès et maintenu la défense de la colonie. Il y a différentes interprétations. Le tout, c'est d'essayer de s'approcher le plus près possible des faits tels qu'ils se sont produits. Dans quelle mesure Montcalm est-il responsable de la défaite française en Amérique? Georges Savarin de Marestan, descendant du marquis de Montcalm, qu'on entend au téléjournal du 12 septembre 1999, a sans doute raison de dire qu'il serait injuste de faire porter toute la responsabilité de cette défaite sur les seules épaules de Montcalm. En même temps, c'est bien lui qui dirige les forces armées françaises au moment de la défaite de la bataille des plaines d'Abraham face aux troupes britanniques du général Wolfe le 13 septembre 1759, bataille qui va marquer, en quelque sorte, le début de la fin de la Nouvelle-France. Voici juste 250 ans, naissait au château de Candiac, dans la plaine languedocienne, Louis-Joseph, marquis de Montcalm, qui devait être l'une des grandes figures de l'histoire du Canada français. Ni les pierres, ni le paysage n'ont changé. La fenêtre de la chambre où il naquit s'ouvre sur un horizon qu'il connut bien, tout au plus si les vignes ont remplacé les cultures et les friches de l'époque. Ces larges espaces, il les parcourut sous le soleil avec les galopins de son village, et du petit bois où il joua enfant, l'ombrage est toujours le même si les arbres ont été remplacés. Et au moment de son départ pour les Amériques, il se retourna sans doute pour regarder encore cette silhouette rustique qu'il ne devait plus revoir. Et ce fut la grande aventure. Mais le 13 septembre 1759, obligé de livrer bataille, il est blessé à mort et contraint de capituler. Il meurt le lendemain en même temps que son antagoniste, le général Wolfe, commandant les troupes anglaises. Québec a d'ailleurs élevé un monument commun à ses deux nobles adversaires. Québec parle toujours de Montcalm. Et sur la terrasse de la citadelle qui domine le Saint-Laurent, Québec évoque encore la ronde silencieuse de Montcalm aux dernières heures du siège. Un portrait du marquis de Montcalm préparé par les actualités françaises à l'occasion du 250e anniversaire de sa naissance en février 1962. Pour nous parler de cette figure incontournable de notre histoire, j'accueille le journaliste et historien Dave Noël qui vient de faire paraître Montcalm, général américain aux éditions Boréal. Dave Noël, bonjour. Bonjour. Pourquoi d'abord un livre sur Montcalm? Qu'est-ce qui, on la connaît cette histoire-là, qu'est-ce qui vous intéressait, vous, chez Montcalm? Eh bien, Montcalm, c'est un personnage très intéressant. C'est le personnage pivot de la bataille des plaines d'Abraham. C'est lui qui ordonne l'attaque vis-à-vis un Wolfe qui est assez immobile, qui attend. C'est Montcalm qui décide d'attaquer à 10 heures pour certaines raisons. Donc, c'est le personnage qui est le plus important de la journée du 13 septembre 1759. Une journée qui est, elle, l'une des plus importantes pour l'avenir de l'Amérique française. Tout à fait, tout à fait. C'est une bataille majeure qui accélère la chute de Québec et du Canada. Donc, on a beaucoup dit que la bataille s'était déroulée rapidement, qu'elle n'était qu'une escarmouche. On a dit ça depuis une soixantaine d'années. C'est devenu même un lieu commun. C'est ça qui vous intéressait, en fait, d'essayer de voir si le mythe, au fond, autour de cette bataille, autour du rôle que va jouer Montcalm dans la perte par la France de l'Amérique, si ça correspond à la réalité? Oui, tout à fait. En fait, la bataille a été un mythe. En termes, on en a parlé comme d'un grand combat. On en a fait le Waterloo de l'Amérique coloniale. Et depuis 60 ans environ, on en fait un contre-mythe. C'est devenu ridicule, ça s'est déroulé rapidement, ça vaut pas la peine d'en parler. On serait mieux de parler de la bataille de Sainte-Foy qui a suivi parce qu'il y a eu un peu plus de morts. Donc, on est dans cette historiographie-là qui a beaucoup évolué. Ouais. Oui. Sur Montcalm comme tel, est-ce que la perception, est-ce que l'historiographie a aussi évolué? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on le voit comme un perdant, comme le grand responsable de la défaite française en Amérique. Est-ce que ça a toujours été le cas? Non. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Montcalm est très présent dans notre toponymie. On a des rues Montcalm, à Québec, on a un quartier Montcalm. Il est très présent, mais en même temps, ça ne correspond pas avec l'image qu'on a de lui aujourd'hui. on le voit comme un vaincu, mm-hmm. on le tient responsable de la défaite, même l'unique responsable. Donc, c'est ça qui m'a intéressé, de voir pourquoi il y avait ce décalage-là, quand c'est arrivé, ce renversement historiographique, qui est assez récent. Ouais. 1955, l'historien Guy Frégaud publie un ouvrage majeur, très intéressant, très bien écrit, mais qui renverse l'historiographie précédente. On va parler de Montcalm, évidemment, surtout de cette fameuse bataille de Québec et des quelques années, de son passage chez nous en Nouvelle-France. Le défi était énorme quand il débarque en Nouvelle-France, on le verra dans un instant. Mais peut-être quand même le situer un peu sur le plan de ses origines, de sa carrière, je dirais, c'est un militaire, oui. De sa carrière avant qu'il ne traverse l'Atlantique, militaire issu de la petite noblesse du Languedoc. Parlez-nous un petit peu de ses principaux faits d'armes, justement avant qu'il n'arrive en Nouvelle-France. Oui, donc Montcalm n'est demeuré que 3 ans et demi à peu près en Nouvelle-France. Militaire de carrière, il a participé à la guerre de succession de Pologne, le long du Rhin, il a participé à la guerre surtout de succession d'Autriche, qui s'est déroulée en Bavière, en Bohême, l'actuelle République tchèque, et dans le nord de l'Italie. Donc, il a combattu un peu partout, dans des plaines, dans les Alpes. Il a eu une expérience assez variée. Et surtout, il a été confronté à la petite guerre, parce que maintenant, on a tendance à avoir une vision très hermétique des tactiques de l'époque. En Europe, on avait la Grande Guerre, les batailles rangées avec les régiments, tandis qu'en Amérique, on se battait à la Amérindienne, alors que c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus fractionné. En Europe, on avait aussi des détachements, on avait aussi des escarmouches, on avait... Donc, il y avait une expérience qui pouvait être importée, si on veut, en Amérique. Et Montcalm, lui, a été confronté à des hussards, une cavalerie légère qui pratiquait une tactique, évidemment, qui n'est pas exactement la même qu'il y avait en Amérique, mais les principes étaient les mêmes. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant, oui. Parce que c'est un premier mythe qu'on peut déboulonner, parce que c'est vrai qu'on quand on pense à Montcalm, on dit souvent, puis à la bataille des plaines d'Abraham, puis à cette défaite, que la défaite, c'est dû à cette approche très, très européenne de la Grande Guerre, des régiments bien regroupés. Mm-hmm. Ce que vous nous dites, au fond, c'est que Montcalm avait en quelque sorte une expertise, même en Europe, de la façon dont on se battait en Amérique. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit dans ses écrits, quand il arrive ici, il donne des conseils aux commandants des petits détachements qu'on envoie sur les frontières pour attaquer les Britanniques. Et il a des conseils, il a des idées déjà arrêtées. Il vient d'arriver, mais il sait déjà comment ça fonctionne. Ne pas cacher les canaux aux mêmes endroits. Il s'adapte assez rapidement. Lui-même est conscient que c'est différent. Mais dans ses écrits, on le voit, là, il est pas complètement dépaysé. Là. même si c'est évidemment le champ de bataille n'est pas le même. La plaine est remplacée par la forêt sur les frontières. Donc, c'est ça. Il s'adapte rapidement. Il débarque en Nouvelle-France au printemps 1756. Il a cette carrière importante déjà. Il a participé à toutes ces batailles dont vous nous avez parlé en Europe. Nommé maréchal de camp, quand il débarque en Amérique, c'est lui donc qui est en charge sur le terrain, en tout cas, de l'armée française dans la colonie. Ça représente un sacré défi. Parlez-moi de ça, du contexte dans lequel il arrive en Nouvelle-France et des défis qui l'attendent, Montcalm, chez nous. Oui. D'abord, c'est important de rappeler que Montcalm est le commandant des troupes régulières, mais il est aux ordres du gouverneur général de la Nouvelle-France. C'est lui qui détermine les objectifs, le nombre d'effectifs qu'il va avoir à sa disposition pour exécuter les ordres. Mais lui, il doit obéir. Et il a une petite marge de manœuvre parce que Vaudreuil, qui est le gouverneur, demeure à Montréal. Il dirige ça à distance par lettre. Donc, à 200-300 km de distance, il y a des imprévus. Donc, il peut jouer avec ça pour commander à sa manière, mais donc c'est ça, il est vraiment contraint. Ouais, au début, c'est pas le patron. Il y a Vaudreuil qui est au-dessus de Montcalm. Et ça va se passer, ça va être assez tendu. C'est le moins qu'on puisse dire, cette relation entre les deux hommes. On en parle dans un instant ensemble, Dave Noël, mais je vous propose d'abord d'écouter l'historien Denis Vaugeois à l'émission Au fil du temps en 1991 sur cette cohabitation, disons ça comme ça, entre Vaudreuil et Montcalm. Ben, Vaudreuil, c'est l'expression des Canadiens. Montcalm, c'est le petit Français qui est débarqué. Un peu prétentieux, un peu arrogant, un peu maniéré. Et pour Vaudreuil, qui est un type du pays, qui prend ça sur un autre ton, il y a un air. D'autant plus que dans le mandat de Vaudreuil, qui était gouverneur, il y avait la responsabilité militaire. Et voilà qu'en temps de crise, on le subordonne à un officier qui débarque et qui va vous dire quoi faire sur un terrain qu'il connaît mal, avec du monde qui ont déjà un petit peu de mépris pour ces gens qui se battent avec des habits tout propres, alors qu'eux autres sont habitués de se coucher par terre puis de se salir et de viser l'ennemi. Donc, ça ne va pas très bien entre les deux. Et c'est ce qui, d'ailleurs, va faire l'issue, parce que ce problème qu'il y a entre les deux va... se répercuter. Oui, sur les comportements. Alors, comment décrire cette relation qui va être très, très difficile entre Montcalm et Vaudreuil? Oui, assez rapidement. Le premier contact se déroule relativement bien, mais rapidement, Montcalm... souvent, c'est des querelles de reconnaissance. Montcalm a des succès, ça se passe bien, elle s'empare des avant-postes britanniques de la province de New York. Évidemment, à l'époque, on parle de province de New York. Mais dans les relations que Vaudreuil envoie à la cour de la victoire, il ne va pas nommer les troupes de terre comme Montcalm aurait aimé qu'on le fasse et vice-versa. Il y a un peu une querelle... Bataille d'égo, certainement. Mais plus que ça, c'est qu'on pourrait dire, oui, l'un vaut l'autre, mais pas tout à fait, parce que Vaudreuil, oui, il connaît bien l'Amérique, oui, il est né à Québec, c'est un Canadien, il a été gouverneur de la Louisiane, son expérience militaire est excessivement mince. En 1755, quand il est nommé gouverneur de la Nouvelle-France, il n'a pas combattu depuis 1728. Et c'est sa seule campagne réelle où il est allé au front. Son plus grand malheur, c'est que Vaudreuil a... C'est ici, dans la hiérarchie militaire, pendant la Grande Paix qui a séparé la guerre de succession d'Espagne de la guerre de succession d'Autriche. Donc, il n'a pas eu l'occasion de combattre comme Montcalm a pu le faire, lui, de son côté. Ouais. Donc, évidemment, ses ordres, des fois, sont ambigus. Il y a des limites. Puis c'est pas seulement Montcalm qui se plaint de Vaudreuil. Il y a des officiers canadiens, les Delery, qui demandent de nouveaux ordres parce qu'ils comprennent pas vraiment ce que Vaudreuil veut. Puis, donc, il y a ça. C'est un point important. Montcalm ne se sent pas en confiance avec Vaudreuil au-dessus de lui qui... Et ça va même mener au fait que... Parce qu'on le disait au tout début, Montcalm est sous les ordres de Vaudreuil, mais ce que je comprends, c'est qu'il voit un Vaudreuil inapte sur le plan militaire. Il va s'en plaindre. Et il ne faut pas oublier non plus que Montcalm est connu en France. Mm-hmm. C'est Paris qui l'a nommé en Nouvelle-France. Donc, il va manœuvrer carrément pour pouvoir ultimement lui-même contrôler l'armée française ici. Oui, évidemment, tous les officiers qui sont dépêchés en Amérique sont loin de Versailles, ils peuvent être oubliés. Donc, dans leurs lettres, ils vont mettre beaucoup d'emphase sur leur mérite. Ils le font tous, Montcalm, Vaudreuil. Donc, oui, il va beaucoup critiquer Vaudreuil. Et Vaudreuil va critiquer Montcalm à son tour. Donc, c'est ça, on s'en sort. Mais il réussit ultimement. Montcalm réussit à s'accaparer du contrôle, finalement, non? Pas tout à fait. C'est qu'en fait, en 1758, Montcalm est promu lieutenant général. Donc, normalement, il serait sur le même pied que Vaudreuil. Mais dans les faits, Vaudreuil conserve la direction des opérations pour la campagne de 1759. On le voit dans les lettres, d'ailleurs. Montcalm demande toujours à Vaudreuil le OK pour procéder. Donc, dans les faits, c'est Vaudreuil qui garde le contrôle. Ouais. Alors, vous l'avez un peu évoqué, mais avant d'arriver à cette fameuse et fatidique bataille des Plaines d'Abraham le 13 septembre 1759, il y a déjà différentes campagnes sur différents fronts. Mm-hmm. Louisbourg, à l'est, Québec fera partie de ce front est, là, d'une certaine façon, mais Montréal, le sud de Montréal, et puis un front à l'ouest aussi. Comment ça se passe? Ça commence en 1758. Comment ça se passe pour Montcalm, la défense de la Nouvelle-France, au fond, avant d'arriver à Québec? Oui, dans le fond, en fait, on oublie souvent, mais la conquête du Canada, c'est une guerre qui a duré 5 ans. En gros, on peut ergoter sur le début et la fin. Mais donc, Montcalm livre des batailles au sud de Montréal, dans la région du lac Ontario, du lac Champlain, dans le coin de Carillon aujourd'hui, qui est devenu Ticonderoga. Et en 1758, les Britanniques reçoivent des renforts massifs. Donc, il y avait une espèce d'équilibre des forces terrestres qui existaient, mais qui a été rompu en 58. Et c'est à partir de 58 qu'on voit apparaître le Montcalm plus défensif que l'historiographie a retenu. Parce qu'avant ça, il était à l'offensive, il y avait des propositions, il soumettait des mémoires à Vaudreuil. Mais donc, à partir de 58, il se rend compte que ça ne fonctionne plus. Là. Puis les Britanniques aussi, au départ, la petite guerre, ça fonctionne bien sur eux, mais ils s'adaptent. Ils créent des unités d'infanterie légère, ils coupent leur uniforme. Il y a vraiment une adaptation rapide et ça ne fonctionne plus comme avant. Parce que Montcalm, contrairement à l'idée reçue, ne méprise pas les miliciens, ne méprise pas les alliés autochtones. Au contraire, il les utilise au maximum. Mieux que les Britanniques ne le font au début. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il est tout à fait conscient de l'importance. Il a écrit des mémoires là-dessus. Il réclame leur présence. De dire qu'il les méprisait, ça repose sur à peu près rien. Ouais. Donc, oui, il y a eu des différends. c'était pas toujours facile, évidemment. On parle de deux cultures différentes, ça, c'est évident. Mais il n'était pas méprisant, là. Ouais. Ça, c'est complètement... Donc, 1758, une première charnière importante à cause de ces renforts britanniques. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe si on a à résumer, au fond, cette année à peu près ou un peu plus qui va mener à la bataille des Plaines d'Abraham? Donc, 1758, Louisbourg tombe. Louisbourg, c'est une ville forteresse qui est sur l'île du Cap-Breton aujourd'hui. C'est la sentinelle de Québec, c'est un peu l'avant-poste de Québec. Et là, ça, ce que ça veut dire, c'est que l'année suivante, Québec va être assiégé. Ça annonce ça immédiatement. Et puis, il y a aussi d'autres forts qui tombent un peu partout, sauf à Carillon, où Montcalm réussit à résister dans des circonstances un peu rocambolesques, si on peut dire. Mais donc, c'est ça. Et à partir de 1758, là, c'est le repli vers la vallée du Saint-Laurent. Qui a lieu en 59. Donc, et puis là, on va se battre sur une zone colonisée, un territoire colonisé. La vallée du Saint-Laurent n'a pas connu les horreurs de la guerre depuis 1690, du temps de Frontenac. Et là, on va se battre au milieu des fermes, au milieu des villes, et puis sur des terrains défrichés. C'est très important. Donc, la guerre un peu s'européanise, si on veut, parce qu'il n'y a plus de forêt. Donc, on peut plus... la petite guerre est reléguée aux marges. Des affrontements principaux. Là. Et arrive le siège de Québec. Ça commence à l'été 1759. Les Anglais vont mettre le paquet. Comment ça se déroule, cette campagne qui va commencer à l'été 1759? Oui, donc, Wolfe arrive le 27 juin avec le 5e de la marine de guerre britannique. C'est énorme. Une vingtaine de vaisseaux de guerre, les cuirassés de l'époque, si on veut. Et puis, il a 10 000 hommes. Vaudreuil procède à une mobilisation générale des milices qui permet d'augmenter les effectifs français et l'armée va être portée jusqu'à 13 000 hommes. Donc, 13 000 contre 10 000, supériorité légère du côté français, mais c'est une armée de miliciens. Ouais. Différence énorme. Montcalm a seulement 2 000 soldats réguliers, des professionnels bien équipés, contre 10 000 soldats professionnels. Donc, il y a cet enjeu-là. Puis ça, les observateurs le constatent à l'époque. C'est du jamais vu, ce siège-là. On a une flotte de guerre contre une armée de miliciens dans un théâtre d'opération assez étonnant, avec le fleuve qui sert de ligne de front. Les Autochtones qui sont là, il y en a qui sont venus des pays d'en haut, de plus de 1000 kilomètres, pour venir soutenir la Nouvelle-France dans cette période de crise-là. Et pourtant, les Français, Montcalm, les Français Vaudreuil, tout ce monde-là résiste. L'été passe, le temps commence à presser pour Wolfe, l'automne s'en vient, et arrive cette fameuse bataille du 13 septembre 1759, la bataille des Plaines d'Abraham. C'est sa dernière tentative, on l'a beaucoup dit, mais Wolfe est au bord de partir, mais il s'essaie de nouveau. Un obstacle majeur, et c'est peut-être ça qui explique qu'on a tenu jusque-là, la géographie. On va en reparler dans un instant, Dave Noël, mais la géographie, puis peut-être aussi les divergences de vues, on y revient, entre Vaudreuil et Montcalm, pour nous présenter de quelle façon les deux hommes ne sont pas complètement d'accord. Je vous propose d'écouter l'archiviste André Vachon dans le documentaire « Les grandes batailles du passé, Québec, 1759 », réalisé par Aimé Dany pour la télévision française en 1974. Vous savez, Montcalm a toujours été convaincu que les Anglais essaieraient d'attaquer à Beauport, de descendre à Beauport. Il y restait vissé. Or, le temps passait. On était maintenant presque à la mi-septembre et rien de vraiment important ne se passait sur le fleuve dans la flotte anglaise. Pendant ce temps, eh bien, Wolfe s'approche des rives de l'Anse-au-Foulon avec des barges de débarquement. Environ 4500 hommes. Montcalm n'en sait rien jusqu'au moment où un courrier arrive, tout affolé, tout effrayé, qui dit « Les Anglais sont là, ils sont sur les hauteurs d'Abraham. » Montcalm n'en croit rien, pas plus que les autres. On se dit « Voilà, c'est un homme apeuré, c'est un homme énervé, il a perdu la tête, c'est faux, ce n'est pas possible, c'est absolument pas possible. » Montcalm n'y croyait pas du tout. Vous savez, Vaudreuil lui avait demandé quelques jours auparavant de renforcer la position du Foulon. Montcalm lui avait écrit d'une façon un petit peu insolente, en lui disant « Dieu seul sait faire l'impossible. » Or, les Anglais ne peuvent pas faire l'impossible, donc ils ne peuvent pas débarquer au Foulon. Donc, Montcalm, devant ce courrier, reste bien calme, entre dans sa tente et se verse une tasse de thé. Ça, c'est intéressant parce que ça nous amène à cette fameuse question de responsabilité. Dans quelle mesure Montcalm est responsable de la défaite des plaines d'Abraham le 13 septembre 1759? Et puis, cette autre question, est-ce que les deux hommes, on y revient, Vaudreuil et Montcalm, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on a l'impression qu'il y a déjà un peu de divergence sur le siège de Québec, sur ce qui s'annonce le 13 septembre 1759. Dans quelle mesure les deux hommes, Vaudreuil et Montcalm, sont ou non sur la même longueur d'onde, Dave Noël? En fait, en 1759, c'est la première campagne où on a Vaudreuil et Montcalm ensemble. Oui. Avant ça, c'était Vaudreuil reste à Montréal, Montcalm s'en va au lac Champlain. Mais là, ils se retrouvent au front ensemble. Je crois qu'il y a une espèce de rapprochement qui se fait à ce moment-là. Parce que dans leurs lettres, on ne sent pas d'animosité aussi forte qu'auparavant. Peut-être qu'ils se gardent une gêne aussi. Pour ce qui est du foulon, on a beaucoup dit que Montcalm était insouciant, tandis que Vaudreuil était un peu en panique. Dans l'extrait qu'on a entendu, on parlait de quelques jours avant. En fait, il faisait référence, l'intervenant, à une lettre du 29 juillet. Là, on est le 13 septembre. Ouais. Donc, ça, c'est un point très important parce que ça revient constamment, cette fameuse lettre où Montcalm dit qu'il n'y a pas d'enjeu. En fait, c'est que le 29 juillet, les Britanniques sont de l'autre côté de la rivière Montmorency. Donc, à ce moment-là, effectivement, le foulon n'est pas menacé. Ouais. Par la suite, Montcalm est conscient des risques. Il y a des troupes qui sont postées sur le foulon. Il est tout à fait conscient. Et le matin, quand on lui annonce qu'il y a un débarquement, il réagit assez rapidement. D'ailleurs, Wolfe voit les troupes arriver françaises assez vite aussi. Là. Donc, on s'engage dans une bataille de rencontre qu'on appelle, où là, chaque vague successive rejoint le champ de bataille, puis là, on retrouve les deux armées vis-à-vis, là, ouais, devant Québec. Mais quelle option il a, et pour revenir à cette grande question de sa responsabilité, dans quelle mesure il est responsable de la défaite ou pas? On a beaucoup dit, il est sorti de la ville, il n'avait pas à sortir sur les plaines. Quelle option il a, Montcalm, quand les Anglais et Wolfe se pointent sur les plaines d'Abraham? Ben, d'abord, une chose, se retirer dans Québec, ça mène à rien du tout, parce que la ville est complètement détruite par les bombardements britanniques de la pointe de Lévis, et puis il n'y a pas de vivres dans la ville. Se retirer dans Québec, après 10 jours, il devrait capituler, affamé, oui. L'armée serait capturée. Donc, ce n'est pas une option du tout. Se retirer à Beauport, c'est difficile parce qu'il est déjà engagé dans la bataille. Donc, rompre le contact, ce n'est pas évident. Donc, il n'a pas le choix, finalement. Il est un peu coincé, oui. Attendre les renforts, oui, c'est l'option la plus prometteuse, mais Bougainville est en retard. Bougainville, qui était l'officier basé à Cap-Rouge avec l'armée de secours, il se met en marche trop tard. Donc, il décide d'attaquer au moment où les Britanniques reçoivent de l'artillerie supplémentaire. Il voit les canons arriver, on lui dit que ça arrive, et il se dit, si j'attends les canons britanniques, je ne pourrai jamais attaquer, ce sera impossible. Donc, il y va. Puis, ça se passe très mal, évidemment, mais il est coincé. Est-ce qu'un autre général aurait fait mieux à sa place dans des circonstances pareilles? On peut en douter. Donc, on a été probablement, puis on boucle la boucle, trop sévère à l'endroit de Montcalm? Oui, trop sévère, oui. Je dirais pas que Montcalm était un grand général, mais il s'est tiré de la situation du mieux qu'il a pu. Mais oui, je crois qu'on a été très sévère envers lui, puis encore maintenant. Dave Noël, historien, auteur de l'ouvrage « Montcalm, général américain » qui vient de paraître, je le rappelle, chez Boréal. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.